Les vagues ne roulent plus. Les vagues ne roulent plus, elles rythment juste le temps d'une admiration lente. Sur le sol, tu ramasses les lettres éparpillées qui formaient la victoire. Tu savoures chaque pas emprunté par le sable, jusqu'à ce que s'effrite la peur qui t'habitait. Plus personne désormais ne pourra te contraindre, à l'exception du vent.